France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 138. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 23 novembre 2008, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es une grosse édition spéciale consacrée à ces incroyables élections socialistes qui ont passionné la France tout entière. Oui, Patrick, des états clés qui peuvent basculer à tout moment du côté de Martine Aubry ou de Ségolène Royal, ce sont des états où le suspense est à son comble. D'accord, et c'est quels états alors? Le Texas, l'Ohio? Non, Patrick, il s'agit de The Val d'Oise, The Haute-Vienne, and of course, The Vaucluse, qui est très disputé, notamment à Avignon City. Non mais c'est fou cette élection, ça va vraiment changer le monde. Hein. Oui, tu l'as bien compris l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour de ces hallucinantes péripéties socialistes qui nous offrent une réelle opportunité ce matin de communier ensemble, chers amis, comme d'habitude, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du Joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama modeste mais déjanté. Eh bien, dans l'ordre, nous commencerons bien sûr par décrypter l'infratexte des différents points de vue que nous ont proposés cette semaine les trois candidats au poste de premier secrétaire. Ensuite, nous te dévoilerons l'ambiance qui régnait hier rue de Solferino et bizarrement, tu vas découvrir ce que signifie la camaraderie. Et puis, comme tu le sais, jeudi dernier, les profs étaient en grève. Et chez nos fantômes de l'INA, ce sont les pères fondateurs du socialisme qui se sont portés volontaires pour garder les mômes afin d'expliquer aux jeunes générations ce qu'est réellement l'esprit de la gauche. Dans la foulée, nous te raconterons comment Monique et Jean-Claude ont assisté ces derniers jours, entre répulsion et passion, au terrible déchirement du bureau du comité des fêtes de Grosboul-les-Bains. Et puis, juste après, nous prendrons la route de Reims, où notre facétieux reporter s'est pointé le week-end dernier afin de savoir si oui ou non ce congrès socialiste était en réalité possédé par un esprit foutraque et loufoque. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces curieuses actualités socialistes, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, nous sommes très heureux d'être là et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et rince-toi le gosier. We'll be right back. Gotha, go home. C'est ce que nous proposaient en 1979 les excentriques du bonnet M. Mais c'est aussi ce qu'ont sans doute murmuré dimanche dernier les militants rémois. Au Gotha des leaders socialistes, go home les bonnets d'âne, tant la coupe de champagne fut pleine. Comme dirait quelqu'un de beaucoup plus avisé que moi, quelquefois c'est toi qui cognes le bar, mais d'autres fois, eh ben, c'est le bar qui te cogne. Bon, avant tout, cher ami, après la fièvre du disco des 70s, il est l'heure maintenant pour toi de te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes aventures de cette édition spéciale du Mangin Palace, entièrement consacrée ce matin aux joyeux socialistes. Alors primo, il n'y avait aucune raison à ce que les leaders du PS échappent à notre traditionnelle petite session freudienne. C'est pourquoi, avec Monsieur Divan Beaujelet, le fiefé sacripant de nos coursives, nous avons bien écouté cette semaine les discours, commentaires et interviews autour des trois candidats en lice pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Ainsi, au final, découvrons ici notamment l'inconscient des ténors de cette campagne électorale, mais aussi l'éclosion d'un nouveau chroniqueur politique formidable que nous appellerons ici Monsieur Patrick D. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Nous allons commencer bien sûr par le congrès de Reims, Patrick de Vejean, une impossible synthèse. C'est-à-dire que je n'y comprends rien, en réalité. Il a un gros handicap. Non, il est un peu lent, mais c'est pas très grave. Il faut dire qu'ils ne font rien pour éclaircir le débat. La presse utilise souvent le codage. Il y a l'émotion A, B, C, D, E, F. N'essayez jamais de comprendre un message codé. Déjà, c'est obscur. Peut-être est-il préférable de revenir en arrière et de commencer par le commencement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Bertrand Delanoë le dimanche où il n'appelle à voter pour personne ? Je mets nos forces totalement et de manière désintéressée à la disposition du Parti Socialiste. La phase suivante serait certainement un de ces cauchemars introspectifs infernaux qui pourrait lui causer 3 ou 4 heures de désespoir catatonique. Bonjour Benoît Hamon. Renouvellement de génération et ancrage à gauche, c'est comme ça qu'on peut décrire l'essence de votre motion. Tu vois le système ? Nous sommes la gauche, nous devons parler à celles et ceux aujourd'hui qui sont victimes des politiques de droite. Il est fait uniquement pour empêcher les minorités d'avoir accès au pouvoir. C'est les riches qui commandent et les pauvres qui vont trimer. Les milieux populaires, les classes moyennes. Ouais, putain, c'est clair, Adam. Il y a un deuxième message. Le renouvellement et la rénovation. Mais pas le renouvellement sur papier. C'est pour ça qu'il faut pas les laisser nous baiser la gueule. Faut pas jouer le jeu. C'est-à-dire qu'on présente une jolie jeune équipe de porte-parole, mais derrière, rien ne change. Ou devant, rien ne change. Et le lundi matin, je pense qu'il faut voter massivement pour Martine Aubry. Que dites-vous des pratiques d'exorcisme ? Parce qu'elle porte cette identité que je crois... Je vous demande pardon. ...la plus utile pour le Parti Socialiste. Si une personne... disons, possédé par un démon ou quelque chose comme ça. Comment peut-on avoir recours à l'exorcisme ? Bonjour, Ségolène Royal. Bonjour. Étrange souvenir dans cette nuit tendue. Est-ce qu'un front anti-royal est désormais en place au Parti Socialiste ? Le genre de zénith qui ne se reproduit jamais. Je pense qu'il me reproche d'être le symbole du changement. Aucun mélange de mots ou de musique ne peut restituer ce que c'était d'être dans ce coin du temps et de l'espace. Et si j'assume cette nouvelle forme de leadership ? Cette sensation de victoire inévitable sur les forces du vieillissement et du mal. C'est pour pousser en avant une nouvelle génération associée à des responsables expérimentés. Quoi que ça ait pu vouloir dire. Bonjour Martine Aubry. Bonjour. L'arithmétique est avec vous, c'est plié ? Voilà déjà une affaire qu'on peut classer. Non, absolument pas. Je crois que ce sont les militants qui vont choisir jeudi. C'est ça, oui. Garde-moi la suite pour demain. L'important, c'est que les Français se disent, à partir de lundi prochain, le Parti Socialiste, il est d'abord rassemblé. Mais enfin, dominez-vous. Et puis, il change parce qu'il parle d'abord de nous. Il nous apporte des solutions. Bravo, voilà le genre d'attitude que j'admire. Alors, ministre et dirigeant de l'UMP hésite entre ironie et prudence. Il y en a, ils savent plus quoi inventer pour se marrer. Hein. La disparition du PS, Patrick de Vejean n'y croit pas. Le secrétaire général de l'UMP s'est même montré très prudent. Qu'est-ce que vous avez à me suivre ? Les Français ont besoin d'une opposition crédible. Malheureusement, elle ne l'est pas. Il est jaloux. Il est jaloux de notre bonheur. Ça veut pas dire qu'elle ne gagnera pas pour autant les élections. Rigole bien parce que tu vas bientôt pleurer ta mère. Oui, peut-être. Sauf que pour l'instant, ce sont avant tout les militants socialistes qui ont les yeux pleins de larmes devant la crise intestine et chaotique que vient de traverser leur parti ces derniers jours. Cela dit, sais-tu réellement pourquoi le congrès de Reims fut une telle foirade le week-end dernier? Eh bien, c'est tout simplement parce que François Hollande, figure-toi, ne veut pour rien au monde lâcher sa place de premier secrétaire au profit de Ségolène Royal. Question d'orgueil, bien sûr. Attends, déjà qu'elle a balancé à tout le monde chez Drucker, là, que j'étais un gros lâche, alors faudrait pas non plus que maman vienne me chourer le job, hein? Et du coup, à Reims, de mèche avec Bertrand Delanoë, il avait tout prévu, François, pour que ça parte en vrille. On avait deux sacs bourrés d'herbe, 75 plaquettes de mescaline, 5 feuilles complètes d'acide en buvard, une salière à moitié pleine de cocaïne, une galaxie multicolore de remontants, sédatifs, hilarants, larmoyants, criants. En plus, une bouteille de tequila, une bouteille de rhum, une caisse de bière, 1 demi-litre d'éther pur et 2 douzaines de poppers. Donc on a eu besoin de tout ça pour le voyage, et quand on démarre un plan drogue, la tendance, c'est de repousser toute limite. Ça, c'est sûr, à Reims, les socialistes ont repoussé toutes les limites, puisque, comme tu viens de l'apprendre, ils étaient tous drogués par François et Bertrand. Alors forcément, impossible de s'entendre pour désigner une nouvelle première secrétaire. Tout ça dans l'optique, bien sûr, de laisser les militants trancher par un vote. Évidemment, entre-temps, Bertrand a appelé à voter pour Martine Aubry, et du coup, par le jeu du report des voix, nos deux loustiques espéraient ainsi atomiser la candidature de Ségolène. Bon, dans la bagnole qui les conduisait hier matin rue de Solferino, après le vote des militants, justement, François et Bertrand tentaient calmement de faire le point sur leur stratégie commune, celle d'avoir eu recours aux militants. Ils ont simplement fait leur boulot, les gars. C'est allez, comme... arrête quoi, fais leur boulot quoi. Mais ferme avec ta gueule, quoi, merde, tu vas fermer ta gueule une bonne fois pour toutes ou quoi, toi, merde. Toi, tu fermes ta gueule, toi. Tu me parles correctement, t'as bien compris. Toi, tu me parles correctement, toi, tu me parles correctement. Tais-toi une bonne fois pour toutes, je te dis merde. Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi. Toi, tu connais quoi, toi? Arrête tes conneries, espèce d'imbécile. Ouais, tu me traites pas. Hein. Tu me parles pas comme ça, d'accord? Ah, c'est sûr qu'avec 42 voix d'avance seulement pour Martine Aubry, le triomphe escompté était loin d'être acquis. Résultat, le parti va sans doute gravement se déchirer. Et lorsque François et Bertrand sont arrivés au siège du Parti Socialiste hier matin, d'après toi, dans quel état ont-ils trouvé le navire Solferino? Il y a quelqu'un qui m'entend? Oui, qu'est-ce que vous voyez? Un iceberg droit devant! Merci. Iceberg droit devant! Ah, devant, devant. SOS? Commandant? C'est exact, SOS, le signal de détresse. Voilà notre position. Dites à qui voudra répondre que nous coulons par l'avant et que nous avons besoin de secours immédiat. Oui, depuis hier matin, le destin du Parti Socialiste ressemble peu ou prou à celui du Titanic. Cela dit, parmi les éventuels naufragés de la Rose, certains pensent encore que François Hollande, toujours capitaine à bord, aura l'intelligence de redresser la barre et d'apaiser les esprits. C'est vrai qu'il est rassurant, tant il est clairvoyant, ce capitaine Hollande. Captain Bigle. Bonjour mes amis. Voici comment je fais mes bâtonnets, les fameux bâtonnets du capitaine Bigle. Alors, tout d'abord, c'est très simple, il faut un petit peu de sel. Un petit peu de sel, une petite pincée. Et puis, vous mettez bien sûr du poivre, vous n'hésitez pas. Vous y allez, un petit peu de poivre. Alors, n'oubliez pas bien sûr quelques petits artichauts. Les artichauts que vous aurez trouvés au marché. Alors, une pincée de noix de muscade, un peu de chapelure, et bien sûr, les colins fraîchés du matin pêché, les voici, c'est pour nous, où est la caméra? Bravo, Captain Bigle! Ils sont fameux, les bâtonnets dégueux du Captain Bigle! Cela dit, réellement conscient du naufrage qui menace le parti, le capitaine Hollande a tout de même tenté hier soir de sauver son navire. Et pour calmer le jeu, il a donc convoqué Ségolène Royal dans son bureau rue de Solferino pour essayer de renouer avec elle un dialogue constructif. C'est quand même un sacré gâchis. C'est le moins qu'on puisse dire. J'aimerais reprendre une vie normale. À nous voir, là, tous les deux, je ne crois pas que le bonheur est impossible. Mais il est possible. Pas ensemble? Oui. Je suis persuadé qu'il y a moyen de tout rattraper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien du tout. Si tu continues à refuser de t'en aller, j'aime autant t'avertir, je me sens capable de tout. Capable de tout? Qu'est-ce que tu feras? Nous nous sommes l'un comme l'autre conduits de façon horrible, mais c'était rien du tout. Pour l'instant, on n'a pas franchi le point de non-retour. Moi, si. Ce soir, c'est fait. Je n'en suis pas convaincu. On ne peut être complètement mauvaise quand on fait un pâté pareil. Ah oui, ça c'est tout François Hollande. Je joue la carte de l'humour. Sauf que là, en pleine crise politique, dire à Ségolène qu'elle fait des pâtés, forcément, Madame Royale s'est barrée vite fait. Salut, salaud. Ce soir, t'es pas bavard, t'es pas bien dans ta peau. T'as une guerre de retard ou une victoire en trop. T'as perdu la mémoire, mais ce serait trop beau. Salut, salaud. Mais à peine Ségolène Royal avait-elle claqué la porte du bureau que François Hollande, à bout de nerfs et excédé par son caractère de chien, libéra toutes ses pensées les plus enfouies. La salope va laver ton cul mal propre, car il n'est pas propre d'y relire, car il n'est pas propre d'y relire, car il n'est pas propre d'y relire, car il n'est pas propre d'y relire. Oh là là. Outré par la vulgarité de ses propos inadmissibles, immédiatement, Madame Royale fit demi-tour hier soir pour exposer à François ses sentiments. Dès que je suis en ta présence, j'ai envie de te mettre ma main sur la figure. Te gêne pas. Frappe-moi pour voir. Vas-y, frappe-moi. Et voilà. Hier soir, François Hollande s'est pris un gros bourre-pif. Alors, quand Martine Aubry est arrivée pour faire le point, François n'a pu lui cacher que rien ne s'était réellement arrangé. Qu'un merdeux, cette bonne femme. Non, mais t'as vu ça, hein? C'est vrai, quoi. Plus en kikineuse qu'une... Survoltée. Survoltée, tu veux dire, vachement arrogante. Oui. Elle est épouvantable. Ça, c'est une pure cérébrale, tu vois. Je m'emballe parce que je déteste les pseudo-intellectuels. Victime de ce couple qui n'en finit plus de régler ses comptes, les militants socialistes assistent donc à cette querelle faite d'orgueil et de revanche entre Ségolène et François. Hier soir, en quittant Solferino, dépité, Hollande a croisé Benoît Hamon dans les escaliers, à qui il a demandé « Mais bon sang, tu sais, toi, Benoît, comment il faisait Mitterrand pour transcender le parti ?» Et Benoît Hamon, socialiste, lui a tout simplement répondu que Mitterrand... Il y mettait du temps, du talent et du cœur, s'il passait sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre. Oui, quoi qu'on en dise, François Mitterrand, lui, portait l'espoir de changer la vie. Pardonne-leur, François, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais alors maintenant, quel est l'horizon? Eh bien, rêvons d'un authentique renouvellement de la classe politique. À gauche comme à droite, d'ailleurs. Parce que bon nombre de ces personnalités qui revendiquent aujourd'hui incarner la rupture ne sont en réalité que des hommes et des femmes issus du passé et du passif. En attendant, il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Sur mon oreiller, dès que je ferme les paupières, je fais des trucs extraordinaires, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Sur mon oreiller, chaque nuit je sauve le monde, y'a plus un méchant à la ronde, Superman peut se rhabiller. Couché dans la plume, je dors comme une enclume, mais mon cerveau fume et m'entraîne au loin voyager. Fatigué, je peux te faire plusieurs fois le tour de la terre avant d'aller me réveiller. Sur mon oreiller, c'était Moussuté et les Jovents, parce qu'au Parti Socialiste en ce moment, sous les oreillers, chacun a mis ses dents cassées pendant la baston pour élire le premier secrétaire. Et on ne sourit plus trop pour les lendemains qui chantent. La tactique, elle est simple, hein? On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites bites. Bah Alors, après avoir revisité, entre avanies et invectives, l'univers décrépit du Parti Socialiste, la panique au Mangin Palace ouvre maintenant à 11h25 sa curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Ainsi, jeudi dernier, jour de grève dans l'éducation nationale, vers 16h, les voix d'enfants conservées à l'INA ont goûté aux joies du service minimum, cette tentative populiste pour limiter le droit de grève. C'est pourquoi, afin de remplacer les voix des professeurs, ce sont les vieilles figures du socialisme qui ont été mobilisées et ils en ont profité pour donner aux bambins une petite leçon de socialisme bon teint. Écoutons avec attention ce que nous rapporte notre Bernard Lhermitte planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tend bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, il y a eu une grève des professeurs. Alors, jeudi, quelques voix à la retraite se sont portées volontaires pour garder les enfants. Il y avait surtout des socialistes, comme Vincent Auriol ou Léon Blum, qui s'occupaient des travaux manuels. Mais aussi Jacques Martin, qui assurait l'animation. Bonsoir pour cette nouvelle école du FAN. La parole est au citoyen Vincent Auriol. Le socialisme triomphera, car il lutte et se développe dans le sens de la justice. Fasciné par le président Auriol, un enfant s'est levé pour le voir de plus près. Benoît, c'était juste pour te dire bonjour. Sur la République, une féodalité nouvelle s'est abattue. Trust, cartels, banques internationales s'organisent à travers le monde. Dépouillent le travailleur du fruit de son labeur et de son épargne. Démocrates et travailleurs, c'est à vous qu'il appartient de conjurer le péril. Contre l'international du profit, mobilisez l'international du travail. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Tu sais de quoi il travaille ? Déstabilisé par cette question indiscrète, l'enfant s'est mis à pleurer. Alors, comme il pouvait, Léon Blum a tenté de le consoler. De quoi est né le socialisme ? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. La misère, le chômage, le froid, la faim, alors que la terre, comme l'a dit un poète, produit assez de pain pour nourrir tous les enfants des hommes. Qu'est-ce qu'il fait ton papa à Mont-de-Marsan ? Comme métier. Il regarde la télé. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Plus tard. Comme métier. Plus demain, je vais regarder la télé plus tard. Terrifié par ce témoignage accablant, le psychanalyste J.B. Pontalis a soudain lancé aux enfants un appel à la révolution. Maintenant, si vous voulez dire que la situation moderne n'est pas révolutionnaire, je vous l'accorderai volontiers. Simplement, la situation peut changer plus rapidement que vous ne pouvez le croire. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Mais vous n'y pensez pas, la situation n'est pas mûre. » Et on a répondu à cela, en effet, elle est pourrie. Tu as une très très jolie robe. Qui est-ce qui te l'a donnée ? On ne me l'a pas donnée, on l'a achetée. Car ce capitalisme, dont on nous dit depuis des décades qu'il agonise, il n'est pas encore mort. On ne sait même pas s'il mourra. Et en attendant, dans son agonie, il ne fait que pourrir tout alentour, et même, si vous voulez, c'est cette pourriture du capitalisme dont je parlais qui compromet toujours davantage les chances du socialisme. Mais là, François Mitterrand l'a interrompu pour lui rappeler qu'il s'adressait à des enfants et qu'il fallait peut-être leur laisser un peu d'espoir. J'expliquais ce que peut être d'abord l'entourage d'un enfant, ses rêves de liberté, sa liberté d'ailleurs. Et puis aussi sa volonté de réussir sa vie. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'on apprend que c'est difficile. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand ? Vider les truites. Vider les truites ! C'est pas banal. Comme ça, je pourrais en manger plein. Avec des frites ? Non, avec de l'huile. Merci Flora Bernard pour cette exploration temporelle où se mêlent le monde de l'enfance et celui des ancêtres socialistes, le tout sans déchirement, sans insulte et sans rupture. Et oui, parler d'une même voix chez les socialistes, c'est assez rare en ce moment. D'ailleurs, il est temps pour nous de prendre la voie qui nous mène tout droit à nos actualités locales. Et voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h31, il est grand temps de se rendre à Grosboul-les-Bains afin d'y retrouver nos deux héros. Aussi soudés que le Parti Socialiste peut être divisé, à savoir Jean-Claude et Monique qui vont à Mont et Parvaux et qui nous amusent au bris de leur vie, bien sûr. Et figure-toi que cette semaine, à Grosboul, on se moquait comme de l'an 40 de ce qui pouvait bien se passer chez les socialistes, puisqu'avait lieu une réunion au sommet pour élire le nouveau président du comité des fêtes. Ah, ça c'est du sérieux. D'autant plus que Jean-Claude s'est laissé embarquer dans l'organisation des festivités de la commune. Et puis, président du comité des fêtes, c'est un poste prestigieux, merde. Ainsi, chacun des candidats avait présenté sa motion, mais pour éviter les déchirements des élections passées, monsieur le maire a rappelé en préambule de ce congrès quelques notions essentielles sur Grosboul-les-Bains. Voici le village. Voici notre petit monde, quelque part entre le fleuve et la montagne. L'hiver, c'est le royaume des eaux, et l'été, l'empire du soleil. Il tape sur les crânes, il exaspère les passions, mais sous sa grande lumière, les plus graves conflits gardent un air de gentillesse et parfois de comédie. On s'en veut, on se bat, mais on reste des hommes. Et il se passe ici des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Ah ben oui, hein. Grosboul-les-Bains a longtemps été réputé dans toute la région pour ses fêtes votives délirantes, avec processions fastueuses suivies de bitures gigantesques. Mais bon, depuis quelques années, ce n'est plus vraiment ça, les fêtes à Grosboul, et il faut réformer ce comité. Ainsi, le premier candidat s'approche pour présenter sa motion afin de reconstruire un comité des fêtes uni, capable de lutter contre la morosité internationale. À 14h, défilé d'un corso fleuri, avec la fanfare à cheval de la gare républicaine. Après le défilé du corso fleuri, nous avons un grand gala de musique qui sera animé par Annie Cordy, Pierre Mallard, Félix Faure, Félix Faure. Non, pas Félix Faure. Marcel Faure, pardon, excusez-moi. Jean-Claude enrage. Marcel Faure, bien sûr, c'est une star. Mais ce n'est pas lui qui fera revenir les touristes aux fêtes de Grosboul. Jean-Claude prend alors la parole devant les autres membres du comité des fêtes. J'ai constaté une atroce réalité. Nous vivons l'ère de la lâcheté. Nous vivons en froussard, mourons en froussard. Donc, nous pratiquons une politique de froussard. La France, bricolée par les uns, soi-disant sauvée par les autres. Notre France veut qu'on lui foute la paix. La France veut qu'on lui foute la paix. Là, immédiatement, les réactions au discours enflammé du Jean-Claude sont virulentes. Les courants se renforcent à l'intérieur du comité des fêtes de Grosboul-les-Bains. Il y a ceux qui veulent l'union avec les ultra-fêtards de la troisième mi-temps. Et puis, il y a ceux qui acceptent les alliances avec le centre mou et festif du club de Scrabble. Mais c'est certain maintenant, le comité des fêtes ne va pas sortir indemne de l'élection de son nouveau président. D'ailleurs, Jean-Claude mène la fronde. Pour la paix, l'amour, la joie, du bonheur et rien d'autre. Les temps sont durs, votez mou. Votez mou, votez mou. Faut rigoler, mais qu'on nous foute la paix. Faut rigoler, mais qu'on nous foute la paix. Aimez-vous les uns sur les autres. Aimez-vous les uns sur les autres. Notre siècle, en trois mots, l'arnaque. L'arnaque. La barbaque. La barbaque. La matraque. La matraque. La bombasse, plus de tâches. C'est caca la pollution. C'est caca la pollution. Y'a pas de planète dans le champ, faut que ça change. Faut que ça change, faut que ça change, faut que ça change, faut que ça change, faut que ça change. Vive la vie, vive la vie, vive la vie, vive la vie. Et c'est dans cet état de déchirement du comité des fêtes que Jean-Claude pose maintenant la question essentielle au cœur même de l'identité de ce que peut être une kermesse grosboulaise. Monsieur Bernard, vous êtes président du comité des fêtes. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de cochon à la foire aux cochons ? Eh bien, je dois vous dire qu'il est très difficile actuellement pour trouver des marchands de porcs et des éleveurs. Et bien entendu, nous devons faire appel à un éleveur du Pas-de-Calais qui arrivera probablement dans la soirée. Et il vient bien entendu de près de 200 km. Il n'arrivera que dans la soirée et c'est pourquoi vous ne trouvez pas aujourd'hui. En réalité, le gros jour de la fête de la foire aux cochons a lieu en réalité demain. Elle commence cet après-midi, bien sûr, avec de nombreuses attractions, mais c'est en principe le gros jour et le gros boom demain pour nous ici à la foire de Champigny. Eh oui, Jean-Claude a soulevé le vrai problème. Pour le comité des fêtes de Grosboule, tout comme au Parti Socialiste, c'est la même problématique. Sans porc, il est difficile d'être copain comme cochon. Ainsi, comme l'avait promis le président du comité des fêtes, les habitants de Grosboule-les-Bains, et Jean-Claude en tête, voient débarquer dans la grande rue quelques dizaines de cochons. Et là, improbable mécanique de l'esprit humain, parmi tous ces porcs dispersés sur la chaussée, Jean-Claude n'a Dieu que pour un timide porcelet. Jean-Claude hésite, s'approche, puis prend l'animal dans ses bras. À toi. Autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Jean-Claude, avec son cochon dans les bras, a l'impression d'avoir touché du doigt l'essence même de la vie. Sauf que voilà, les autres membres du comité des fêtes se raboulent avec Monique à leur côté et leurs intentions sont très différentes de celles de Jean-Claude. Et si on passait aux choses sérieuses, vous n'avez pas une petite faim ? Oh, si, oui. Alors, c'est pas tout ça, qu'est-ce qu'on mange ? Eh bien, t'es, si tu as faim, va chercher le grill, hein ? Hein ? Va nous chercher le grill. Mais que ferez-vous de ce grill ? Nous mettrons le grill sur le feu. Et sur le grill, quand il est et quand nous verrons que le feu a bien grillé, quand il est nous sauterons le grill du feu. Des côtelettes ? Jean-Claude bondit, il est hors de question que l'on touche à son cochon. Et ça, il le fait bien comprendre au président du comité des fêtes. En ville, tu fais la loi, mais ici, c'est moi. Me fais pas chier. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Laisse tomber. Laisse tomber. Tout le monde est sidéré de la réaction du Jean-Claude. Ouais, ok, il a l'air sympa, ton cochon. Mais de là à se mettre dans de tels états, c'est pas possible, ça. Mais Jean-Claude refuse que la fête de Grosboule soit un barbecue géant. Très vite, le président du comité des fêtes essaie bien de lui faire reprendre raison, mais rien n'y fait. Jean-Claude est comme possédé. Fini ta putain d'histoire, fille. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi des glandes. Oh, de Dieu, ce truc t'a complètement possédé, hein? Il y a ton visage, là, t'es sur le point d'exploser. Effectivement, Jean-Claude est sur le point d'exploser de rage, tout autant que les socialistes sont sur le point d'imploser. Alors, face à cette passion si soudaine, le comité des fêtes accepte à l'unanimité que Jean-Claude puisse conserver son cochon. Mais en contrepartie, Jean-Claude devra se plier aux directives gouvernementales qui transforment l'école en garderie. C'est donc Jean-Claude qui devra assurer le service minimum à Grosboule le jour de la grève des enseignants. D'accord, dit Jean-Claude, qui d'un coup s'est donc retrouvé devant une bande de mômes jeudi dernier. Bonjour, Avant de vous raconter l'histoire du petit chaperon de ta couleur, il faut que je vous dise quelque chose. En gros, le loup a pas pu venir. Le loup est pas là. Hein, il a une angine, c'est pas grave, mais il est pas là. Alors comme il nous faut quand même une histoire, on l'a remplacé, hein, en vitesse, par le cochon. Alors les enfants, je vais vous demander d'être quand même très indulgents, parce que le cochon, bon, il est jeune, il remplace le loup, c'était pas prévu, il connaît pas super bien son texte, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être sympa avec lui. Voilà, c'est tout. Jolie coquine, c'est le nouveau titre de Caravan Palace. Car comme chacun sait, au Parti Socialiste, quand la Caravan Palace, le Kouchner aboie. Allons, tout ça c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h43, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré cette semaine au massacre de Reims, comme l'a titré le Canard Enchaîné. Oui, cette semaine, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, spécialiste du luxe, a décrété qu'il devait se rendre en Champagne le week-end dernier. Et il s'est mis en tête, toujours dans un esprit goguenard celui-là, d'aller à la rencontre des militants et des leaders du PS afin de savoir si cet étrange congrès socialiste s'était inspiré d'un esprit loufoque et foutraque, tant il est vrai qu'il semblait être animé par l'absurde. Ainsi, chers amis, découvrons immédiatement si ce fut réellement la panique à Reims pendant 2 jours. DJ ! Lorsque nous nous retrouverons tous au travail, entre nous, l'estime reviendra. Fire ! C'est pas votre premier congrès, j'imagine ? Non, j'en ai fait quelques-uns déjà. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-ci, à part qu'il y a du champagne et la buvette ? Il y a le grand bordel, quoi. La panique, Vu le titre de notre émission, je suis obligé de vous demander, est-ce que c'est la panique, ce congrès ? Pour l'instant, c'est la panique, oui. De la panique peut surgir une catastrophe. Vous soutenez quelle motion ? Par la motion A, c'est ça ? Ah, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Oui, oui. C'est quoi la motion A ? Ben, comme l'alphabet, quoi, donc... panique, ABCDE, c'est quand même assez compliqué, hein. Ça fait un peu l'alphabet. Mouh ! Pas la guerre ! Oui, il y a 50 journalistes qui suivent une Laguna. Il semblerait qu'il y a ma candidate, donc moi je suis un élu de terrain, donc et c'est ma candidate. Mais là, elle fait un peu sa diva, pas rentrer par la porte de, comme tout non, le monde. Elle fait, bah, parce qu'elle a peut-être envie aussi un peu de respirer, hein, donc vous êtes derrière comme une meute, là je crois qu'elle doit avoir envie un petit peu de temps en temps de prendre un peu de recul. Les formidables victoires que nous avons remportées en 2004 et en 2008, c'est par le Rassemblement. Et 2002 ? Hein, et 2002, merci, c'est Jospin. Et Jospin. Et c'est pas François Hollande. Mais bien sûr. N'oublions pas que toutes ces victoires qu'on a eues, autant au municipal que les cantonales, que tout, c'est des victoires par défaut. C'est un rejet de la droite, c'est pas un vote d'adhésion. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est aussi le rassemblement des socialistes qui l'a permis. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la panique ? La panique ? Où est la panique ? Non, c'est un congrès pacifique, en réalité. Vous trouvez qu'on en rajoute ? J'écoute peu la radio en ce moment. Hein. Fire ! C'est pas la Starac, hein, fille de... Non, mais en Allemagne, en tous les cas, ça a une importance. Oui. Monsieur Emmanuel, est-ce que votre phrase du jour, c'est l'EPS, c'est pas la Starac ? Pourquoi j'ai dit ça ? Vous avez dit ça à trois reprises, c'est parce que c'est important ? Ah bon ? Oui. Bah oui, non, parce qu'on me parle que machin, un truc mûche, c'est pas le sujet. Problème, c'est pas les personnes, le problème, c'est la ligne politique. Vous vous unirez ou vous serez vaincus. Est-ce que c'est la panique aujourd'hui au sein du Parti Socialiste ? Non, moi, je vous donne l'impression d'être paniqué. Oh, les Français, vous savez, ils en ont vu d'autres avec le Parti Socialiste. Hein. Moi, j'ai vécu le congrès de Metz, j'étais paniqué. J'ai vécu le congrès de Rennes, j'étais paniqué. Bon. Oh, je voudrais bien vous tuyauter, les mecs, mais je vois personne depuis que j'ai sauté sur une mine au Vietnam en 72. Tu as fait le Vietnam, moi aussi. J'étais, pour ainsi dire, presque partout. Oui, j'étais partout. J'étais presque partout. Tu étais dans quelle unité ? Commando aéroporté, spécialiste des missions spéciales. Et spécialisé et secrète. Vous avez pu en entendre parler. Politique, je répète, c'est pas la Star. Ça va, les amis ? Bonjour. Bonjour. Oui, mais ça, je pense que... Je l'enverrai à la presse. Ça va, sinon ? Bah, sinon, je vais accumuler les papiers. Oui. Mais le cœur des hommes est aisément corruptible. Et l'anneau de pouvoir à sa volonté propre. Bonjour, je travaille pour France Inter, pour Panique au Mange un Palace. Alors justement, est-ce que c'est la panique ? Non, c'est pas la panique, au contraire. Au contraire, tout va bien. Est-ce que c'est un peu loufoque et foutraque quand même ce congrès ? C'est un peu foutraque, ouais. Mais un peu foutraque, mais à la fin, ça se finit bien. Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Non, c'est pas une panique, c'est un parti démocratique. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. Alors, certes, les médias ont beaucoup chambré ce congrès de Reims, à raison parfois, car c'est vrai, il a pu ressembler à une kermesse ou à une cour de récré, avec des mômes qui réglaient une partie de billes qui aurait mal tourné. Mais il n'en demeure pas moins que le Parti Socialiste échappe au caporalisme. Autrement dit, c'est un parti démocratique, où a priori, toutes les idées ont le droit de citer. Bon, forcément, du coup, c'est un peu le bordel. Mais c'est une conception des choses difficilement méprisable, avoue-le. Enfin bon, poursuivons notre édition spéciale consacrée ce matin aux actualités socialistes. Ah, oui, quelqu'un réclame la parole. Très bien. Allez-y, on vous écoute, monsieur. Mais ça va durer longtemps, votre truc, là ? Hein ? C'est Sarkozy ? On s'en fout du PS. Pourquoi vous ne parlez pas de mon G20 à Washington où j'ai sauvé la planète ? Oui, on allait en parler. Oui, bah t'en parles maintenant. Il n'y a pas plus important. C'est historique, mon sommet à moi, que j'ai fait tout seul tellement j'ai tout réglé. Bah, justement, on n'est pas réglé grand-chose. Bah si, on a tout réglé. La preuve, on l'a marqué sur des feuilles, c'est concret. C'est signé par des présidents et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a d'historique ? Bah, c'est marqué dessus. Sarkozy, maître du monde. Non, c'est le JDD, ça, monsieur Sarkozy. Ouais, ben 5 fois sur moi dans le JDD, ça, c'est historique. Bah, pas vraiment, dans le JDD, c'est toutes les semaines. Il est le chouchou de mes rêves. Il est le chouchou de mon cœur. Il est le chouchou de mes rêves. Il est le chouchou de mon cœur. Tu n'es pas un playboy, ni un Tarzan. Tu n'as rien d'un Delon, d'un Belmondo. Mais si je t'ai choisi, évidemment, c'est parce que tu me plais tel que tu es. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu n'es pas ce qu'on appelle un courageux. Tu te lèves à midi et tu es toujours fatigué. Tu restes à la maison chaque fois qu'il pleut. Et quand il fait soleil, tu vas te promener. Oh le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu n'es pas ce qu'on appelle une bonne affaire. Avec ton nez pointu, tes 100 kilos et tes fous dents, tes oreilles de lapin, tes yeux de cocker. Mais tu as beaucoup d'argent. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Le chouchou de mon cœur, c'est celui qui a séduit Annie Cordy à grands coups de pesos en 1974. Alors que cette semaine, le chouchou du barreau, c'est Dominique de Villepin. Eh bien moi, je souhaite que les amis de Nicolas Sarkozy soient capables de lui dire les choses. Alors maintenant, à 11h51, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité socialiste. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, tout comme Palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse de cette presse socialiste, camarade, cette semaine? Oh, mais elle en dit des choses, elle en dit énormément de choses. J'ai bien regardé. Moi, j'étais surtout agréablement surpris de constater, à travers la presse, qu'il y a en ce moment une véritable propension à élire des femmes, et c'est très bien. Alors attention, attention Philippe, je ne parle pas du genre d'élection que nous rapporte cette semaine le quotidien El País. Ça se passe à Valence, en Espagne, où la discothèque El Pacha a dû annuler une énorme tombola prévue en décembre. Une tombola dans laquelle la gagnante remportait rien de moins qu'une opération pour se faire poser des prothèses mammaires. À 4 500 € tout de même. Bon, au Pacha, faut y aller. Non, c'est complètement indécent, très sexiste, parce que bon, on peut trouver quand même plus classe comme cadeau de Noël. Surtout, c'est dur de trouver des cadeaux écologiques parce que, vous voyez, ces faux seins pour les fêtes de fin d'année, c'était tout de même l'occasion rêvée de s'offrir des implants de Noël, ma mère. Voilà, bon, ça c'est fait. Bon, non, je vous rassure, Philippe, cette tombola de gros néné a évidemment été annulée. Oh là. Alors, comme femme élue cette semaine, on trouve bien entendu Simone Veil qui a remporté la grande tombola de l'Académie française et c'est tant mieux. Bah oui, parce que ce n'est pas être méprisant de dire que l'Académie est une institution éminemment masculine où la moyenne d'âge est très élevée. Et donc, ben, c'est apaisant d'y voir entrer une femme supplémentaire. Il y en a déjà quelques-unes. Parce que maintenant, sous la coupole, pendant que les papis dorment, on sait que Simone Veil. Et d'ailleurs, c'est à la coupole. Vous avez bien l'affaire, hein, celle-là. Oui, je l'attendais là depuis une semaine. Alors, d'ailleurs, c'est à la coupole, le restaurant de Montparnasse, que les journalistes du Parisien ont questionné mercredi dernier Martine Aubry. Et c'est à table, entre fromage et dessert, enfin entre une pointe d'Aubry et un oranais aux abricots, que Martine, qui ne savait pas encore qu'elle serait élue première secrétaire du Parti Socialiste, a fait une superbe déclaration très apaisante. Bon, Philippe, vous êtes très très fort en bruitage, vous allez m'aider. Donc Martine Aubry a déclaré aux journalistes du Parisien, je cite, « Je tendrai la main à Ségolène Royal ». Ah oui, 42 voix d'écart, ça fait mal. Et le chemin pris par la direction du Parti Socialiste, c'est dommage, mais c'est un peu celui des dames en ce moment. Alors c'est sûr, la presse a longuement détaillé toutes les divisions des socialistes, les déchirements, les petites phrases, les déclarations assassines, on a tout dit. Et moi, pour dépasser la masse d'articles consacrés au PS, j'ai pensé que le plus sage était de lire entre les lignes. C'était sage. Eh oui, donc je me suis intéressé à l'article que Paris Match consacre cette semaine aux socialistes sous couvert d'un dossier de 8 pages sur les flamands roses. Ah, la métaphore est évidente. Et ils sont moqueurs envers les socialistes dans Paris Match au point de nous parler de la plus fantastique colonie du règne animal. Bon, c'est pas faux, hein. Ils nous disent également que les flamands roses changent brusquement d'avis et s'envolent. sans prévenir, sans que quiconque puisse vraiment deviner pourquoi. C'est pas faux. Non, c'est pas faux non plus. Hein. Bon, ils vont quand même un peu loin quand ils nous disent, page 95, que la menace pour les flamants roses, c'est la hyène tachetée qui patauge mais ne renonce jamais. Faut que je dise c'est pas faux. Je sais pas, chacun voit. Bon, non, ce qui est dingue vraiment, c'est que dans Paris Match, ils savent faire passer leurs opinions tout en les masquant. Mais on sait qu'ils sont très forts en masquage, puisqu'on se souvient comment en 2007, Paris Match avait gommé les bourrelets de notre président pour le rendre plus glamour. Et cette semaine, c'est l'Express qui nous apprend que le Figaro a retouché une photo de Rachida Dati pour effacer une grosse bagousse trop voyante. C'est dingue, hein, c'est formidable à quel point le Figaro, qui a légitimement en horreur tous les régimes dictatoriaux, reprend les bonnes méthodes des infographistes staliniens et maoïstes. Vous savez le prix de la bague ou pas? On est au-dessus de 15 000 euros. 16 000 euros. C'est assez 16 cher. 16 000 euros. Ouais, bon, c'est cher, quoi. Alors, c'est certain bon, qu'à l'inverse, au Parti Socialiste, on ne cherche plus à dissimuler les divisions. Et ça, non, depuis toujours. Depuis toujours. D'ailleurs, le 7 novembre 1881, le congrès de Reims se concluait déjà par une rupture entre d'un côté les socialistes favorables à l'action révolutionnaire et de l'autre les réformistes. Il s'agissait alors du Parti ouvrier socialiste français dont une branche devint la SFIO. Alors moi j'ai regardé dans les quotidiens du 7 novembre 1881, Le Temps, Le Petit Parisien, Le Gaulois, tout le monde s'en foutait, personne ne parlait alors du congrès de Reims des socialistes. C'est incroyable, hein. Mais bon, à l'époque, les socialistes, ils se divisaient pour construire un parti. Aujourd'hui, c'est un peu prendre le risque de le détruire. C'est pourquoi les socialistes ont tout intérêt pour restaurer leur image, directement de demander au Figaro les coordonnées d'un bon infographiste. Écoutez, pour soutenir Rachida qui s'effondre, ils savent bien gommer la bague au doigt. Alors, pour que les socialistes s'accordent, ils peuvent bien tenter d'effacer la corde au cou. Merci, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 138e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique, nouvelle version, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Lidwin Caron et d'Antoine Viossa, merci beaucoup à vous deux, c'était nickel. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Cyril Baer. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. Et puis, on vous ne le dira jamais assez, mais la Panique tient à remercier de tout cœur chacune et chacun d'entre vous, puisque les sondages Médiamétrie nous ont confirmé cette semaine votre fidélité sans faille à notre petite entreprise radiophonique. Merci donc à tous et à toutes. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris et sa recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le ministère psychique et en direct dimanche, toujours à 11h sur France Inter, pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu. C'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Il couine encore. Ces salauds-là. C'est la fin.